dans cette édition sucrée-salée de La Connexion. 72% des Américains seraient des joueurs. Une manette style Wiimote pour la Xbox 360. Stephen King s'en prend à la censure dans les jeux vidéo. Des cyberattaques aussi nuisibles que le 11 septembre. Et 2,6 millions pour l'adresse pizza.com. Tout ça et plus, c'est l'heure du jeu. Bonjour et bienvenue à La Connexion, l'émission qui parle de technologie, d'informatique et de jeux vidéo. Je m'appelle Mathieu Plante et pendant 2 heures à chaque semaine, on parle des choses qui vous intéressent, des choses qui vous importent le plus. Dans quelques minutes, on va faire le bloc F5 jeux vidéo. On va parler entre autres de la Wiimote de Microsoft qui s'appellerait Newton. On va aussi parler d'un pad GameCube blanc pour le Japon. Hein? C'est de retour à la mode des manettes de GameCube et des serveurs fermés sur PS2 et sur PSP. Bon, commençons en musique. Voici une pièce du palmarès francophone de Cifou. C'est la formation Chocolat et Piano Élégant. À La Connexion, à Cifou 89 FM, la radio campus de Trois-Rivières, partout en Mauricie, à la radio et sur Internet partout dans le monde, au cifou.ca. Chocolat est la pièce titre de leur album Piano Élégant. Ici à La Connexion, c'est fou, 89 FM. Maintenant, c'est le bloc F5 jeux vidéo. Donc, les nouvelles qui ont marqué le monde vidéoludique, en fait, c'est depuis les 7 derniers jours. On commence par Microsoft. Un nouveau point de vue est apparu concernant la rumeur selon laquelle Microsoft travaillerait sur un accessoire similaire à la Wiimote de Nintendo. Vous savez, la manette qui capte les mouvements. Il s'agit du point de vue du site 8bitsjoystick.com, souvent bien informé, notamment lorsque Microsoft est impliqué par rapport, entre autres, à la séparation entre Bungie et Microsoft. C'est le site qui avait révélé avant tout le monde cette histoire-là. Citant une source interne de Microsoft, 8bitsjoystick affirme que la société travaille bien sur un accessoire à reconnaissance de mouvement. Le nom de code de l'appareil serait Newton, en hommage au célèbre homme et sa pomme. Déjà sur le projet depuis un bon moment, Microsoft pourrait sortir l'objet cette année en trois couleurs et accompagné à chaque fois d'une sorte de capteur qu'on brancherait sur le port USB de la Xbox 360. C'est toujours au stade de rumeur. 8bitsjoystick avance aussi quelques hypothèses en rassemblant quelques-unes des actualités de Microsoft. Selon le site, Rare serait au travail sur le ou la Newton, qui serait alors compatible avec le jeu Xbox Live Arcade The Fast and the Furious. Tout ça reste encore bien flou. L'article date du 9 avril, donc c'était hier. Si vous écoutez en direct le jeudi, on va vous tenir au courant de cette histoire-là, parce que c'est, ma foi, plutôt intéressant. Toujours au sujet de Microsoft, ils ont tenu à démentir un récent article du site digitimes.com qui faisait état d'un lecteur Blu-ray déjà en cours d'élaboration chez le conglomérat taïwanais Lite-On. Selon le constructeur américain, et je cite, « Lite-On ne produit pas de lecteur Blu-ray pour Xbox 360. Comme indiqué précédemment, ce sont nos jeux qui incitent les consommateurs à l'achat de consoles et nous nous efforçons de leur fournir l'offre la plus riche possible. » Ça, c'est la fin de la citation. Avant de rappeler que les utilisateurs intéressés par du contenu vidéo en HD pouvaient se tourner vers la vidéo on demand, la vidéo sur demande, Digitimes évoquait une distribution des lecteurs Blu-ray Lite-On durant le second trimestre de l'année 2008. Lite-On est actuellement l'un des principaux fournisseurs de lecteurs DVD pour la Xbox 360. Côté Nintendo, maintenant, le succès de Super Smash Bros. Brawl et l'arrivée imminente de Mario Kart Wii semble donner une seconde vie aux manettes GameCube, dit GameCube.com, puisque Nintendo commercialisera ce mois-ci un nouveau pad blanc comme neige pour GameCube, mais qui se connecte évidemment à la Wii. La mauvaise nouvelle, c'est qu'il sera pour l'instant réservé au Japon au prix de 2000 yens. C'est autour, entre une dizaine et quinzaine de dollars, si je comprends bien. Mais bon, pad GameCube, les manettes de GameCube se branchent sur la Nintendo Wii, donc voilà le retour à la mode des manettes de GameCube, parce que bon, sinon vous devez jouer à la Wii avec votre manette à l'horizontale pour essayer de faire comme un volant. C'est pas tout le monde qui aime ça. Dans Mario Kart et dans Super Smash Bros. Brawl, évidemment, c'est un peu la même chose. Sony Computer Entertainment Europe, maintenant, signale sur son site officiel anglais la fermeture de plusieurs serveurs de jeux PS2 et PSP à compter du 30 juin. Les jeux conservés sur PlayStation 2 sont Amplitude, Destruction Derby Arenas, Everybody's Golf, iToy Chat, Formula 104, Jack X, Lemmings, My Street, Siphon Filter, The Omega Strain, LMB Nouvelle Génération, Le Monde des Bleus 2005 et Twisted Metal Black Online. Sur PSP, c'est les modes online de Lemmings et World Tour Soccer 2 qui seront bientôt plus accessibles. Voilà. Ensuite, toujours au sujet de Sony, le Six Axis, la manette Six Axis peut trembler, dit GameCube.com encore. La manette sans Rumble Pack de la PS3 s'effacera en toute logique devant la DualShock 3 vibrante, comme l'a confirmé un porte-parole de Sony aux États-Unis à MTV. Et je cite, « La Six Axis ne sera plus proposée aux consommateurs une fois la rupture de stock avérée autour de l'été. » C'est ce qu'a déclaré l'homme. « Tout sauf une surprise, dit l'article, à l'heure où la DualShock 3 investit les boutiques américaines, on en parlait un peu la semaine dernière, au prix de $55. Sony aux États-Unis a d'ailleurs publié une première liste officielle des titres compatibles avec les vibrations, dont la moitié se révèle être des jeux PlayStation Network. Si vous voulez voir la liste, allez voir l'article « Le Six Axis bientôt hors jeu » sur le site de l'émission au www.unechance.com. Le site OneUp Interactive, OneUp.com, pardon, a appris que le studio canadien Pseudo Interactive a fermé ses portes la semaine dernière. Basé à Toronto, Pseudo Interactive était en difficulté depuis quelques temps suite à l'annulation de plusieurs projets, dont un demandé par Eidos. Pseudo employait une cinquantaine de personnes et avait surtout été connu pour les deux jeux de la série Full Auto. Toujours dans le domaine des affaires, selon Develop qui cite des sources, Sega a décidé de fermer son Racing Studio qui avait été établi il y a seulement 3 ans en Angleterre. Pendant ce temps, le studio aura seulement eu le temps de développer un seul jeu, soit Sega Rally sur PlayStation 3, Xbox 360 et PC, qui a été lancé en septembre 2007. Une soixantaine de personnes y travaillent et plusieurs projets semblaient être sur la planche à dessin. Pour l'instant, Sega a refusé d'expliquer la fermeture du studio. De plus, il est impossible de savoir si les employés se verront offrir des emplois ailleurs chez Sega. L'article date d'hier, le 9 avril. Rockstar Games a annoncé qu'elle a fait l'acquisition d'un studio ayant récemment travaillé avec elle sur les versions Xbox 360 et Wii du jeu Bully. En effet, Rockstar a procédé à l'acquisition du studio Mad Dog Software pour un montant inconnu. Le développeur sera renommé Rockstar New England selon l'entente de cette acquisition et deviendra ainsi une division à part entière de Rockstar. Un petit peu une meilleure nouvelle. Après avoir acheté Junction Point Studios en 2007, Disney Interactive va faire l'acquisition de GameStar. Ce studio indépendant chinois fondé en 2002 jouera un rôle important dans son développement en lui donnant accès à un vaste bassin de compétences bon marché. Graham Hopper, vice-président de Disney Interactive, explique que le but de l'expansion globale est d'atteindre un nouveau degré de créativité, de qualité et d'expertise dans le développement des jeux vidéo. Avec l'achat de GameStar, Disney Interactive, qui est une filiale du groupe Walt Disney, comptera 6 studios pour près de 800 employés dans le monde. L'article vient de jeuxvideo.com. Nouvelle un peu plus longue, mais quand même intéressante. Il y a 4 ans, le studio Interplay fermait ses portes sans pour autant disparaître. Tranquillement, le studio s'est refait une santé financière en laissant aller quelques-unes de ses franchises. Et bien maintenant, Interplay a annoncé son intention de revitaliser quelques-unes de ses franchises. L'article vient de jouer.com et dit que, entre autres, il va y avoir le retour des séries Fallout, Earthworm Jim, Dark Alliance, Descent et MDK. Les fermetures de studios sont fréquentes dans l'industrie du jeu vidéo, dit l'article. Depuis un an, quelques studios d'importance ont cessé leurs activités. Bon, on parle de Pseudo Interactive, comme on l'a dit tantôt, Stormfront Studios, Iron Lore Entertainment, Faza Studio et EA Chicago. Rares sont les studios qui ressuscitent. C'est pas dur à dire comme mot, il me semble. Interplay pourrait bien être un de ceux-là. Fondé en 83, le studio a éprouvé des difficultés financières peu après avoir fait son entrée en bourse, à savoir en 98. À peine 4 années plus tard, l'entreprise française Titus a pris le contrôle de la compagnie sans être en mesure de la relever, si bien que le studio Interplay a fermé ses portes en 2004. Hervé Carin est tout de même demeuré à la tête de la compagnie, qu'il a pu renflouer en 2007 en cédant à Bethesda Softworks les droits sur l'univers Fallout pour la coquette somme de 5,75 millions de dollars afin de leur permettre de développer Fallout 3. Sans faire de vagues, Interplay s'est donc refait une santé financière et maintenant Hervé Carin semble plus que jamais déterminé à se revitaliser les franchises que possède encore Interplay aujourd'hui. Son plus important projet est de développer un jeu de rôle massivement multijoueur en ligne se déroulant dans l'univers de Fallout. Un projet audacieux mais incroyablement risqué, dit Jouet.com. Revitaliser les franchises Earthworm Jim, Dark Alliance, Descent et MDK semble plus réaliste, dit François Tadé. Lorsque le site web d'Interplay sera relancé, et là quand on parle de site web, c'est le interplay.com. Nous en saurons donc plus sur ces projets. Il n'est pas si clair si Interplay a l'intention de les développer avec une équipe à l'interne ou si elle souhaite offrir ses projets à des studios indépendants. Présentement, le site de Interplay.com affiche un message « Coming soon » et des personnages dont Earthworm Jim. Moi, ça m'intrigue un peu d'avoir un nouveau jeu Earthworm Jim. Ça a l'air très très bon ça. Witch avec le fouet. Witch. Non? Personne qui joue à ça? Voici le top 5 des jeux les plus loués au Super Club Vidéo 3 la semaine dernière. Des tonnes de copies, disent-ils. 5e position, Army of Two sur PlayStation 3. En 4e, Tom Clancy's Rainbow Six Vegas 2 sur PS3. En 3e, c'est Super Smash Bros. Brawl sur la Wii. En 2e, c'est Army of Two sur Xbox 360. Et le jeu le plus loué dans les Super Club Vidéo 3, c'est Tom Clancy's Rainbow Six Vegas 2 sur Xbox 360. Voilà pour le bloc F5 jeux vidéo. On prend une deuxième partie plus tard. On va aussi parler d'informatique dans quelques minutes. Mais pour l'instant, voici une pièce des Halotrons, Emergency Street, à la connexion 91 FM. We'll be right back. formation canadienne Hellotrons avec Emergency Street. Ça vient de leur album Happy Matic et c'est sur le palmarès anglophone de C'est Fou cette semaine. Très très bon. Je me suis vraiment à la pièce de Hellotrons. J'ai hâte de la réentendre déjà. Ça m'excite. Maintenant, ben, voici le F5 informatique. Les mecs qui ont marqué le monde des ordinateurs. Donc, depuis les 7 derniers jours, c'est les nouvelles marquantes, les choses intéressantes. Adobe a lancé un lecteur vidéo gratuit offrant un catalogue diversifié du vidéoclip à la série télé. Quelques semaines après le lancement de Hulu, c'est au tour d'Adobe d'y aller de son offre vidéo en ligne qui se présente sous la forme de lecteur pouvant se télécharger gratuitement sur Mac et PC. Une fois le lecteur installé, on remarque que les vidéos flash proposées ne présentent pas de restrictions géographiques comme c'est le cas pour Hulu. Ça, c'est vraiment dommage. Si vous allez sur Hulu.com, présentement, vous cherchez votre série préférée, eh bien, vous n'êtes pas aux États-Unis, vous ne pouvez pas la regarder à moins de trouver une façon de contourner les règles, ce qui est plutôt simple, mais bon. Ainsi, une série comme CSI New York proposée au catalogue d'Adobe grâce à un partenariat avec la chaîne CBS peut être vue en dehors du territoire américain. Même chose pour Survivor, Big Brother et un paquet d'autres, dont des émissions de MTV, Universal, PBS et Food Network. Adobe en profite également pour lancer Adobe TV, qui permet aux utilisateurs de différents logiciels d'Adobe de parfaire leurs connaissances via des exposés et des didacticiels vidéo animés par des experts en la matière. Le lecteur Adobe Media Player 1.0 permet notamment de regarder les vidéos sous différentes résolutions, d'ajouter un fil RSS et de faire jouer ses propres vidéos pour qu'elles soient de faire jouer ses propres vidéos pour autant qu'elles soient en format flash, c'est-à-dire les points SWF, les points SWIFT. Mais dans un entretien accordé à CNET News, Ashley Seal, directrice du produit d'Adobe, affirme que les autres versions du lecteur pourraient bien supporter d'autres formats vidéo. Donc, très très bonne chose, voilà, de Adobe. Autre innovation sur Internet depuis les derniers jours, Flickr, la communauté de partage de photos de Yahoo, a lancé le partage de vidéos sur son site. Les titulaires d'un compte Flickr Pro, donc payant, peuvent désormais mettre en ligne leurs vidéos personnelles et les partager avec leur famille, leurs amis ou avec le monde entier. L'ajout de la vidéo sur Flickr permet de partager avec ses proches des instants de vie comme une promenade dans le parc La Fontaine, mais aussi de découvrir ou faire redécouvrir des événements extraordinaires comme l'ascension du Machu Picchu, dit Canoë.com. Si le partage des photos numériques fait aujourd'hui partie de notre quotidien, une étude réalisée par Yahoo révèle que la vidéo numérique est encore sous-exploitée. 55% des personnes interrogées ne visionnent leurs vidéos que sur l'écran de leur appareil numérique ou sur leur PC, et 20% ne partagent pas du tout ces images. Et je cite, « La vidéo sur Flickr amène une façon de plus pour les Québécois de partager leurs moments précieux, leurs souvenirs et leurs vidéos de voyage », c'est ce qu'a dit la chef de produit Flickr de Yahoo Canada. La nouvelle fonction vidéo permet de mettre en ligne jusqu'à 90 secondes de vidéo seulement, saisie avec n'importe quel appareil doté de la fonction vidéo numérique, y compris les appareils photos, les caméras et les téléphones portables. Les titulaires de comptes Pro Flickr peuvent donc organiser et partager leurs vidéos comme ils le font déjà avec leurs photos. Ils les téléchargent et limitent leur visualisation à leurs proches ou les exposent au monde entier. Outre des mécanismes automatiques, la modération se fait conjointement entre l'équipe Flickr et la communauté grâce à la mise en place d'un système d'alerte. Au travers des vidéos mises en ligne par les titulaires d'un compte pour Flickr, les internautes peuvent désormais voir, partager et vivre le monde en mouvement au travers du regard de la communauté Flickr. Le service est disponible en 8 langues, français, anglais, allemand, italien, coréen, portugais, espagnol et mandarin. L'article vient de Canoë.com. Nouveauté de Google maintenant. Google offre son infrastructure à 10 000 développeurs souhaitant créer et faire fonctionner des logiciels web grâce à Google App Engine. Et je cite, « De la même façon que Blogger a simplifié la création de blogs, Google App Engine est conçu pour simplifier la création et la gestion de logiciels web. » C'est ce qu'a affirmé le responsable du projet chez Google sur son blog. Les logiciels web sont des logiciels pouvant être accédés via Internet, par exemple Google Docs, qui est une suite bureautique, ou encore Hotmail, qui est un logiciel de courriel. Les programmeurs peuvent écrire leur logiciel avec les mêmes blocs de construction qu'utilise Google, par exemple GFS et Bigtable. C'est très technique, mais quand même. En plus de vouloir simplifier la création de ces logiciels web, Google espère simplifier leur adaptation à une plus grande échelle, permettant ainsi aux développeurs de créer des applications pouvant être utilisées par des millions d'usagers. Pour la première phase du déploiement de Google App Engine, les logiciels seront limités à un espace disque de 500 MB, à 200 mégacycles de processeurs par jour et à 10 GB de bande passante quotidienne. Il serait éventuellement possible d'acheter des ressources informatiques supplémentaires, mais le service de base est et restera toujours gratuit selon le responsable du projet chez Google. Toujours au sujet de Google, le géant de l'informatique a dévoilé mardi une nouvelle caractéristique de son très populaire programme de cartes géographiques qui permettra de suivre les mouvements de réfugiés à travers le monde. L'on parle de Google Earth. Le bureau du Haut Commissariat de l'ONU pour les réfugiés, le HCR, qui a collaboré avec Google sur le projet, a déclaré que cette nouvelle caractéristique, baptisée Google Earth Outreach, facilitera la tâche des opérations humanitaires et aidera le public à comprendre la situation de millions de personnes qui ont dû fuir leur foyer à cause de la guerre ou de crises. Le programme Outreach fournira des images satellites des zones de la planète où ont lieu d'importants mouvements de population, comme le Darfour, le Tchad, l'Irak et la Colombie, et permettra de localiser les camps de réfugiés. Les agences humanitaires auront la possibilité d'y ajouter des commentaires audio et vidéo expliquant la situation et leur travail sur place. L'article vient de l'Associated Press. Maintenant, un article de la presse canadienne, toujours au sujet de Google. Yahoo a annoncé mercredi un projet de publicité lié aux recherches Internet en collaboration avec Google dans le cadre d'un test de 2 semaines qui pourrait aboutir à un partenariat de plus grande envergure. Microsoft a jugé que tout rapprochement entre Google et Yahoo rendrait le marché de la publicité liée aux recherches bien moins concurrentiel que son offre d'achat sur Yahoo. Et je cite, « Tout accord définitif entre Yahoo et Google consoliderait plus de 90% du marché de la publicité liée à la recherche dans les mains de Google. » C'est ce qu'a estimé Microsoft dans un communiqué. Microsoft examinera donc avec attention toutes ses options. Voilà pour la première partie du bloc F5 informatique. On aura une deuxième partie un petit peu plus tard, mais avant, voici le top des mots-clés les plus recherchés la semaine dernière sur la toile du Québec. En 5e, on baisse avec YouTube. En 4e, c'est en montée, accéder. En 3e, c'est stable, Hotmail. En 2e, ça descend, les packs. Et le grand, l'énormément grand, numéro 1, c'est Horoscope. Vous écoutez La Connexion, l'émission qui parle de technologie, d'informatique et de jeux vidéo. À C'est Fou 89.1 FM, la radio campus de Trois-Rivières. On s'en va entendre une pièce de l'album éponyme de Gatineau. Voici Rap Maudit. 89.1 FM, c'est fou dans vos oreilles. Mais quand je me penche sur elle, la feuille reste blanche. Votre étrange vie à mon boulevard étanche. Pour que le public, ben que je m'en saigne pour le poème. Beau est-il intime. Vite autant le fond que la forme comme il faut. Ça sent que mes sonnets sonnent. Finalement faux, je l'embrassis. Parler de syndical, c'est toute la longueur de mes lignes horizontales. Mais la seule pause qui se pose pour pause aussi brutale. Je laisse sortir, je retiens du flow. Je m'en joue sérieux. Ou carnaval. Je laisse du libre cours au mot qui est dans mon âme. Des balles. La lit la littérature. Qu'elle déborde de bord en bord jusqu'à bordure. La marmite des mots illicites. C'est le même qu'on essaie de des silences tacites. Des vrais violents d'envergure. Au fur et à mesure, j'essuie la suite sur ma figure. Enfin, l'en peu de jus qui s'agite. Que par ma flamme, la même école, la flamme, elle ressuscite. Voir, me voir dans le miroir, dans le creux noir, dans le bord des yeux, déjà présent dans l'auditoire. Écris mon histoire, ramène mon écritoire avec mon répertoire et la balade des vieux grimoires. Écris au singulier, mec, pas contre chaque parcelle. C'est pour le public une partie l'universel. Leur expérience respective à mon échelle. Que ce soit c'est beau, M, cyber, UTO. J'attends le poème signifié. Certifié à mon talent, tout en me sanctifiant. J'aimerais mon âme à mes fils, tout en défiant. Dans ma demande de faire écrire des textes édifiants. Mais l'écriture donne pour moins une source d'angoisse. J'ai tendu des textes à terre que je laisse en ardoise. Comme des poèmes disparaissent des feuilles que je croise. Je m'en pardonne pour fixer forêt pour mon déboise. Je l'excite, moi d'assister, mes vestis. Mes textes excités, l'université. Puis qu'on en comprenne enfin toute la densité. Le pourquoi je chante avec tant d'intensité. jour, 72% des Américains seraient des joueurs. On en parle à la connexion au 89.fm. Dash.com. Bonjour, vous écoutez la connexion, l'émission qui parle de technologie, d'informatique et de jeux vidéo. Dans quelques secondes, on continue le bloc F5 jeux vidéo. On va parler entre autres du magazine Games for Windows qui passe au mode en ligne. Mais avant ça, voici une pièce de Creature, Bridget Bardot, 89.1. My rhythm and leave this town, 'cause I wanna hit a place that is off the ground. So I get into a spaceship and get up to get down. We don't. Creature avec Bridget Bardot, l'album No Sleep At All à la collection, l'émission qui parle de technologie, d'informatique et de jeux vidéo. C'est fou 89 FM. Maintenant, la suite du bloc F5 jeux vidéo. Une nouvelle qui a marqué le monde vidéoludique la semaine dernière. Selon une récente étude de l'Institut NPD Group, un nombre important d'Américains jouent à des jeux vidéo, qu'il s'agisse de jeux sur ordinateur, sur console de salon, sur console portable, sur cellulaire ou sur le web. Du 1er janvier au 5 février, l'Institut NPD Group a mené une étude auprès d'environ 20 000 Américains. Cette étude leur a permis de découvrir que 72% des Américains affirment avoir joué à des jeux vidéo, une hausse appréciable de 8% par rapport à l'année dernière. Le NPD Group a rectifié le tir quelques heures plus tard en précisant qu'il s'agit des Américains âgés de 6 à 44 ans dont il est d'abord question. Au total, c'est donc 59% des Américains qui seraient réellement des joueurs. Voilà. Nintendo a certainement contribué à cette hausse grâce au succès de la Wii et de la DS. Si un nombre grandissant de joueurs se retrouve en ligne, la hausse reste minime cette année, le nombre de joueurs en ligne étant passé de 40 à 42%. Ça a sans doute à voir avec le fait que près du tiers des Américains n'ont toujours pas accès à Internet. Pour 90% des adeptes de jeux en ligne, le PC demeure la plateforme de prédilection. Les consoles attirant moins de 20% des joueurs en ligne et les cellulaires à peine 3. Qu'importe, les consoles poursuivent tranquillement leur ascension, dit Jouer.com, en particulier la console Xbox 360 qui retient l'attention de la moitié des joueurs en ligne sur console avec ses 10 millions d'abonnés. D'ailleurs, les joueurs invétérés sont plus nombreux sur la Xbox 360 que sur les autres consoles. Le Gamer Score y est certainement pour quelque chose. Ça n'étonnera personne, mais le jeu en ligne attire une majorité de jeunes. 25% des joueurs en ligne sont âgés de moins de 12 ans, 15% ont entre 13 et 17 ans et 10% ont entre 18 et 24 ans. Si vous trouviez donc que ceux qui jouent avec des jeux tels que Call of Duty 4, Team Fortress 2 ou Halo 3 se comportent et s'expriment comme des enfants, vous n'aviez pas tort, dit l'article. Oh, c'est méchant. C'est donc dire que plusieurs parents ne sont pas dérangés que leurs enfants jouent à des jeux réservés aux adolescents de plus de 17 ans. En terminant, l'étude révèle aussi une donnée intéressante. 3% des joueurs posséderaient deux consoles de nouvelle génération et à peine 2% posséderaient les trois. Voilà, l'article vient de Jouer.com. Même chose pour le prochain. L'article date de lundi et comme je ne suis pas fan de hockey, je vais lire l'article quand même. Je sais pas ce qui s'est passé, je n'ai même pas été faire des recherches. L'article, voilà. Les Sharks de San Jose remporteront la Coupe Stanley en 7 matchs aux dépens du Canadien de Montréal en ronde finale selon une simulation par jeu vidéo effectuée par EA Sports. Dans la simulation faite à l'aide du jeu NHL 08, l'attaquant des Sharks, Joe Thornton, remporte le trophée Conn Smith après avoir été le meneur de jeu des Sharks dans une série plutôt défensive contre le tricolore. C'est beau à lire quand t'as aucune idée ce que ça veut dire. San Jose a battu les Red Wings de Détroit en 6 matchs en finale de l'Association Ouest après avoir défait les Stars de Dallas en 6 rencontres en demi-finale et éliminé les Flames de Calgary au premier tour. Le Canadien, lui, a remporté des prouesses de Carey Price devant le filet pour l'emporter en 7 matchs contre les Bruins de Boston au premier tour, en 6 rencontres contre les Flyers de Philadelphie en demi-finale d'Association, puis en 7 parties contre Sidney Crosby et les Penguins de Pittsburgh en finale de conférence. Ça, c'est évidemment selon la simulation par jeu vidéo effectuée par EA Sports. Calgary s'étant avoué vaincu contre San Jose, disons-le. Dans la simulation, le Canadien s'est avéré la seule formation canadienne à s'imposer au premier tour. Ottawa a perdu en 5 matchs face à Pittsburgh. L'attaquant des Sénateurs Daniel Alfredson ratant la série à cause d'une blessure. C'est fascinant tout ça. Fascinant. Après 27 ans de publication, le magazine Games for Windows, autrefois connu sous le nom de Computer Gaming World, cessera d'exister sur format papier. Ça, c'est une nouvelle qui me touche un petit peu plus. En effet, Microsoft et Ziff Davis ont annoncé que le magazine deviendra un portail du site OneUp.com. Selon Ziff Davis, cette décision fut prise afin de concentrer les efforts du magazine à l'endroit où passent le plus clair de leur temps leurs abonnés, soit devant leur PC. Les magazines, c'est vraiment en chute libre. Cette décision fut approuvée par Microsoft, fier supporter du magazine depuis de nombreuses années. Voilà donc, si vous voulez plus d'informations, c'est oneup.com, 1up.com. L'article est sur lunechance.com de toute façon, si vous voulez vous y rendre plus facilement. En fait, pas plus facilement, c'est quelques clics de plus et la recherche. Mais bon. Selon Entertainment Weekly, Chris O'Donnell de Vertical Limit et Batman and Robin est le plus récent acteur à se joindre à la distribution du film basé sur Max Payne. Il incarnera le dirigeant Jason Colvins, mais il est impossible de savoir de quelle façon il sera lié à l'histoire originale du jeu. O'Donnell partagera la vedette avec Mark Wahlberg, qui jouera Max Payne, Beau Bridges, qui sera Bibi Ansley, et Mila Kunis de That 70s Show, qui sera Mona. Rappelons que le film sera réalisé par John Moore et il est présentement en tournage à Toronto. The T.O. O-Town. Oh, je sais pas. Non, je sais pas. En croire le Sydney Morning Herald, la version australienne de Grand Theft Auto 4 a dû être revue et corrigée pour recevoir de l'Office of Film and Literature Classification une recommandation MA15+, qui est la plus élevée du pays pour un jeu vidéo. Un porte-parole de Rockstar a confirmé cette information sans toutefois révéler la nature des changements opérés. Il faut savoir que tous les épisodes de la série Grand Theft Auto ont été modifiés avant ou après leur sortie sur le marché australien. Voilà. Pour Grand Theft Auto. Voilà. Le reste des informations en rapport avec l'Europe, je vais passer par-dessus. Tiens, un autre article avec le mot rock dans le titre. Disponible depuis quelques mois, Rock Band a rapidement connu le succès et fait partie des jeux les plus attendus en Europe. Jusqu'ici, la grande question des joueurs français à part la date de sortie était de savoir combien de titres en français et de groupes francophones allaient se retrouver dans le DVD fortement assaisonné de groupes américains pour la version canadienne et américaine. L'article vient de canway.ca, en fait c'est le blog de Jean-François Coderre. Mais c'était sans compter sur le prix scandaleux qu'a dévoilé Electronic Arts, donc le titre avec les instruments est disponible chez nous dans un bundle à 170$. Les Européens vont devoir d'abord se procurer le jeu à 70€, mais les taxes sont incluses chez eux, et ajouter 170€ pour les instruments, soit 240€ au total. Donc, si on sort un site de conversion quelconque sur Internet, ça donne environ 382$ taxes incluses comparé à notre 170$. À ce tarif prohibitif, Electronic Arts n'ajoute même pas une seconde guitare. Et pour rendre le jeu encore plus désirable chez les cousins français, seules 3 chansons en français ont été ajoutées. Quelle gaffe de la part d'Electronic Arts, mais que voulez-vous? Ils doivent savoir ce qu'ils font, ils doivent se dire que ça va se vendre à ce prix-là. Hein? Que voulez-vous? Spécialiste en adaptation cinématographique ratée de grosses licences de jeux vidéo, Uwe Boll s'est notamment illustré sur Alone in the Dark, Blood Rain, Dungeon Siege ou encore House of the Dead. Si les jeux de base n'avaient pas forcément un scénario à toute épreuve, dit Cubic.com, il est communément admis que les films qui en ont découlé sont de véritables abominations. Abominations qu'on dit en français. Dans toutes les langues, je crois. Prenant le taureau par les cornes, certains joueurs ont donc décidé de mettre en place une pétition afin de stopper le massacre et interdire Uwe Boll de caméra. Les gens de chez FearNet, intrigués par le succès de cette pétition, sont allés en toucher deux mots au principal intéressé. Ce dernier aurait alors répondu que 18 000 signatures, le total au moment de l'entrevue, n'était pas assez pour le convaincre. Il en faudrait apparemment 1 million. 1 million! Depuis le succès de la pétition, depuis l'entrevue, le succès de la pétition va grandissant. C'était rendu à un petit peu plus de 28 000 en date de lundi, donc imaginez comment c'est rendu aujourd'hui. Je pourrais aller voir en ce moment même. On sait ce qu'il reste à faire. Si vous voulez pas avoir d'autres films ciné Uwe Boll basés sur des jeux vidéo, donc tout le monde chiale là-dessus, c'est vraiment quelque chose. Je clique sur le sondage en ce moment et il y a 162 296 signatures. Ça a vraiment monté en flèche depuis l'article. Donc, allez-y. Il ne manque qu'un gros paquet de signatures. Donc, allez aider la cause en passant par lunechance.com si ça vous intéresse. Et finalement, côté jeux vidéo cette semaine, l'auteur américain Stephen King s'attaque au controversé projet de loi proposé par la Chambre des représentants de l'État du Massachusetts d'interdire aux mineurs d'acheter des jeux vidéo violents. Dans la chronique qu'il écrit pour l'hebdomadaire Entertainment Weekly, le célèbre auteur de nouvelles et de romans d'horreur a souligné que ce projet de loi soumis par la représentante démocrate Linda Dolcena-Forey est une attaque à la démocratie et que les résultats de son adoption pourraient s'avérer désastreux. Et je cite. Je vais essayer de faire un accent. Ça m'en fout que quand des politiciens tentent de remplacer les parents dans ce genre de décision, écrit Stephen King, et ça me rend encore plus fou de constater comment les politiciens se servent de la culture populaire pour se laver les mains, poursuit-il. C'est facile, voire amusant pour eux de se débarrasser du gros éléphant dans leur salon, qui est la réelle violence, pour se concentrer sur une cible beaucoup plus vulnérable. L'accent a fait un va-et-vient incroyable dans ce... En tout cas. L'auteur de 60 ans souligne dans son texte que les jeux vidéo sont déjà classés en fonction de leur degré de violence, ce qui permet aux parents de décider si leurs enfants peuvent ou non se les procurer. King ajoute que les lois permettant l'utilisation des armes à feu sont beaucoup plus dangereuses que les jeux vidéo. Voilà une parole sensée. Rappelons que la controverse sur les jeux vidéo est un sujet de préoccupation qui fait souvent les manchettes aux États-Unis. La sortie du jeu Manhunt 2, réputé comme étant excessivement violent, a récemment créé toute une polémique aux États-Unis, mais également en Australie et en Grande-Bretagne. Voilà donc pour le bloc F5 jeux vidéo. C'est vrai. Regardons un petit peu les jeux les plus surveillés sur le site oneup.com. Donc, les jeux qui sont les plus cliqués sur ce site de jeux vidéo. En 5e position, on retrouve Final Fantasy 2 Crisis Core sur la PSP. En 4e, c'est The Sims 3 sur le PC. En 3e, The World Ends With You sur Nintendo, The World Ends With You, mettons les S aux bons endroits, sur la Nintendo DS. En deuxième, c'est Grand Theft Auto 4 sur la 360. Et le numéro 1, c'est Grand Theft Auto 4 sur la PS3. Grand Theft, The World Ends With You. Assez fou, ça! 89.1 FM, dans vos oreilles. Voici le Roi Poisson et Premier Rang, pour ceux qui suivent à la maison. Roi Poisson et Premier Rang de leur EP numéro 1 à la collection, l'émission qui parle de technologie, d'informatique et de jeux vidéo. Bloc F5 et technologique, parlons de quelques nouvelles qui n'ont pas rapport avec l'informatique ni les jeux vidéo, mais juste les technologies en général. On commence par un projecteur pour cellulaire. Projeter du contenu visuel sur une surface plane à partir d'un téléphone mobile est désormais chose possible. Une gamme de projecteurs pour téléphone mobile et appareils multimédia portatifs est présentée cette semaine à Las Vegas dans le cadre du salon annuel américain du mobile, le CTIA. En fait, c'était la semaine dernière, ça s'est passé vers le 3-4 avril. Non, c'est vrai. C'était le 3. Enfin bon, peu importe la date, appelés pico-projecteurs, les projecteurs qui peuvent s'insérer facilement dans la poche d'une chemise se branchent aux appareils mobiles et projettent les images de ces appareils sur n'importe quelle surface plane. Présent au CTIA, l'entreprise américaine Microvision a présenté un projecteur qui, branché sur un iPod Nano, peut projeter une image de qualité de près de 127 par 152 cm jusqu'à 6 pieds de distance. L'entreprise prévoit mettre sur le marché ses projecteurs d'ici la fin de l'année de 2008 au coût de 300 à 400 US. Il travaille également sur un projecteur intégré aux appareils mobiles qui devrait être mis en marché en 2009. Les projecteurs dont la pile affiche une autonomie d'un peu plus de 2 heures devront se mesurer à d'autres produits similaires sur le marché. 3M, Texas Instruments et Alcatel-Lucent présentent également des prototypes de pico-projecteurs dans le cadre du CTIA qu'ils prévoient mettre bientôt sur le marché. Vous pouvez voir un reportage vidéo de PC Mag sur le projecteur de Microvision dans l'article « Le projecteur pour cellulaire » sur le site de l'émission au unechance.com. Récupérer des téléphones cellulaires pour planter des arbres, telle est l'idée derrière la campagne de récupération d'appareils sans fil lancée par Québecor mercredi dernier. Oui, mercredi, c'était hier. Voilà. C'est vrai. C'est dur, ça. Dans le cadre de son partenariat avec le Jour de la Terre, les citoyens sont invités à déposer leur téléphone sans fil ainsi que les accessoires dans les boîtes prévues à cet effet dans les établissements Le Superclub Vidéotron et dans les boutiques Vidéotron. Une entreprise récupérera les pièces encore utilisables et recyclera les morceaux qui peuvent l'être. Les profits engendrés par la revente des appareils et des pièces seront investis dans, dans des projets de corridors verts, des bandes d'arbres qui servent à reboiser des parcelles de terrain, comme les berges de cours d'eau sujettes à l'érosion. Le porte-parole de la campagne est le musicien Daniel Boucher. L'an dernier, une autre campagne lancée dans le cadre du Jour de la Terre encourageait les clients de Vidéotron à recevoir leurs factures en ligne afin d'économiser le papier utilisé lors de l'envoi postal traditionnel. Chose que je conseille absolument à tout le monde. Ça sert absolument à rien de recevoir des factures papier, de toute façon. Depuis, 100 000 personnes ont adopté la facture en ligne et les organisateurs du Jour de la Terre se sont engagés à planter un nombre équivalent d'arbres ce printemps. Et finalement, le fabricant finlandais de téléphones mobiles a lancé sa plateforme de jeu Engage avec l'espoir de redynamiser le marché du jeu pour cellulaire. Repoussé plusieurs fois depuis l'annonce de son développement en fin 2006, le lancement de Engage a officiellement été annoncé sur le blog de la plateforme jeudi dernier. Il y aura une annonce officielle lundi, bon, lundi c'est déjà passé, mais pour vous, les fidèles Engage, nous voulions vous faire savoir que nous sommes en fonction. Engage est lancé avec un catalogue d'une vingtaine de jeux produits par les principaux éditeurs de jeux pour mobile, dont Electronic Arts, Gameloft et Gloomobile, qui ont signé des accords avec Nokia pour alimenter la plateforme. Nokia estime que 25 à 30 titres seront disponibles sur Engage d'ici juin et que ce nombre pourrait doubler d'ici la fin de l'année. Le service est destiné pour l'instant aux utilisateurs des modèles Nokia N85, N81, N81 8GB, N82 et N95 8GB. Selon l'agence Reuter, entre 10 et 15 millions d'exemplaires de ces 5 téléphones réunis se sont vendus dans le monde. Engage s'ajoute à l'offre de contenu de Nokia qui a notamment annoncé en décembre dernier le lancement prochain de Comes With Music, qui permettra à ses utilisateurs de profiter à l'achat de téléphones d'une offre musicale illimitée et gratuite pendant une période d'un an. Pour ceux qui ne se souviennent pas, Engage, c'était une console de jeu. Avant, c'était un téléphone cellulaire qu'on utilisait comme console de jeu. On pouvait faire le téléphone et jouer en même temps. Ça a été un échec total. Ils ont lancé un deuxième modèle. Ça a fait aussi un échec. Donc maintenant, ils ramènent la plateforme comme étant juste une plateforme de jeu sur les téléphones qui sont déjà existants. Donc, c'est plus des téléphones Engage, mais bien un service Engage. Voilà pour le bloc F5. Technologique. C'est déjà la fin de cette première heure de la connexion. Je vous suggère de rester avec nous parce qu'une deuxième heure s'en vient. On va entre autres parler d'informatique avec la deuxième partie du bloc F5 informatique, quelques nouvelles du futur et le bloc cybercrime dans la deuxième heure. Restez avec nous au 89.1 FM, c'est la connexion!

Hives avec Won't Be Long de leur Black and White album à la collection au 89 FM. C'est fou! Maintenant, c'est la deuxième partie du bloc F5 informatique. On commence par une nouvelle qui date du 7 avril. Et ça, le 7, c'était lundi dernier. Yahoo qui rejetait l'ultimatum de Microsoft, mais qui se dit ouvert à un accord. Les deux plus hauts dirigeants de Yahoo ont réaffirmé lundi que la proposition d'acquisition de Microsoft sous-évalue substantiellement le portail Internet, mais se sont déclarés ouverts à un accord avec le géant du logiciel si celui-ci est meilleur que nos autres alternatives. Le chef de la direction de Yahoo, Jerry Yang, et le président du groupe, Roy Bostock, ont adressé une lettre au directeur général de Microsoft, Steve Ballmer, deux jours après que celui-ci eut menacé de lancer une offre hostile sur Yahoo, faute d'accord de fusion entre les deux parties d'ici à trois semaines. Dans cet ultimatum, Microsoft explique que si Yahoo ne se prononce pas d'ici au 26 avril, le géant du logiciel n'exclura pas une offre hostile. Il se tournera alors vers les actionnaires et cherchera à faire élire un nouveau conseil d'administration plus favorable à sa cause. Et je cite, « Nous ne nous opposons pas à une transaction avec Microsoft s'il en va du meilleur intérêt de nos actionnaires », ont indiqué messieurs Yang et Bostock dans une lettre transmise à M. Ballmer. « Nous croyons simplement que toute transaction devra refléter la valeur réelle de Yahoo, incluant tout avantage stratégique pour Microsoft et à des conditions qui offrent une certitude pour nos actionnaires. » Le 31 janvier, Microsoft a proposé d'acquérir Yahoo pour 44,6 milliards de dollars américains, soit 31 dollars US par action, en numéraire et en action. Yahoo avait rejeté cette offre, estimant qu'elle sous-évaluait la société. L'offre vaut aujourd'hui environ 41 millions de dollars américains sur la base du cours de l'action Yahoo vendredi dernier à la clôture. Les deux dirigeants ont également rejeté les affirmations de Microsoft selon lesquelles Yahoo avait du mal à affronter les conditions économiques actuelles et je cite « Nos perspectives d'activité sont cohérentes avec ce que nous avons décrit lors de la publication des résultats trimestriels du groupe. » Monsieur Yang et Bostock ont aussi pris Microsoft à partie pour avoir laissé entendre que les deux entreprises n'avaient pas discuté de cette transaction depuis février. Les deux hommes écrivent que les deux compagnies ont eu des discussions constructives concernant plusieurs aspects, dont l'intégration et les questions réglementaires. De plus, Steve, tu as assisté en personne à deux de ces rencontres et tu aurais pu faire avancer les discussions si tu l'avais désiré, ajoute-t-il. La firme de relations publiques dont Microsoft a retenu les services dans ce dossier a indiqué que Microsoft ne commenterait pas immédiatement la lettre, au-delà de la missive explicite envoyée par M. Ballmer à Yahoo samedi. Et je cite « Si nous devions être contraints de présenter une offre directement à vos actionnaires, cette action aura des répercussions négatives sur la valeur de votre compagnie de notre point de vue et ceci sera reflété dans les termes de notre offre », avait écrit le dirigeant de Microsoft. Depuis son rejet de l'offre de Microsoft, Yahoo a discuté avec Google, News Corp et Time Warner, mais aucune alternative viable à Microsoft n'a fait surface. Dans sa lettre, M. Ballmer se demandait pourquoi Yahoo se fait toujours tirer l'oreille, et ce en dépit du fait que notre proposition est le seul choix offert qui permette aux actionnaires de recevoir la juste et pleine valeur pour leurs actions. Maintenant, on passe de Microsoft à Apple, un nouveau jalon atteint par la musique en ligne. Apple a annoncé que sa boutique de musique en ligne iTunes surpasse désormais Walmart Stores à titre de premier détaillant de musique aux États-Unis. L'annonce d'Apple se fonde sur les données recueillies au cours des mois de janvier et de février par la firme d'analyse NPD, qui a interprété les résultats en comptant 12 chansons comme l'équivalent d'un CD. Les analystes de l'industrie avaient depuis longtemps prédit le triomphe de la musique téléchargée sur le disque compact. Par ailleurs, le phénomène de la popularité grandissante de la distribution de contenu numérique par rapport aux articles physiques ne s'arrêtera pas au CD puisque les livres et la vidéo progressent rapidement dans la même direction. iTunes a vendu plus de 4 milliards de chansons depuis son lancement en 2003. Toujours en musique, le populaire réseau social MySpace, en partenariat avec trois des plus grandes compagnies de disques, a annoncé jeudi, il y a deux semaines, le lancement prochain. Je me trompe, c'est lundi dernier. Lancement prochain de jeudi dernier. Qu'est-ce que je raconte avec mes jours? C'est dur, les dates. Très, très dur de parler au passé. Donc, le lancement d'un service de musique en ligne, MySpace. Les utilisateurs pourront notamment y écouter de la musique et regarder gratuitement des vidéos. Ils pourront aussi acheter et télécharger de la musique. Le réseau social est une propriété de News Corp et ils ont déclaré qu'ils s'alliaient à Universal Music, Sony BMG, Warner Music aussi pour mener à bien ce projet. Le groupe EMI, qui est la quatrième maison de disques au monde, ne fait pas partie de l'entente. Le nouveau site web nommé MySpace Music générera des profits grâce à la vente de musique en ligne et de billets de concert, la publicité et le téléchargement payant de sonneries de téléphone portable. Les détails financiers de l'entente n'ont pas été dévoilés. Il y a 14 ans, Chris Clark enregistrait un nom de domaine, un geste plutôt anodin. Et aujourd'hui, ce nom de domaine, pizza.com, l'a rendu multimillionnaire, selon branchez-vous.com. Le 3 avril, au terme d'enchères s'étant déroulé sur une semaine, Clark obtenait 2,6 millions de dollars américains pour les droits sur sa propriété. Il y a quelques années, Clark avait utilisé le nom de domaine pour mettre sur pied un répertoire de services de livraison. Puis, inspiré par la vente de vodka.com, il décida de tenter sa chance et de le revendre à son grand profit. La vente sera conclue dans les prochains jours. Le service de courrier Cedo, qui sert d'intermédiaire à la vente de 2500 à 3000 domaines par mois, a été retenu pour effectuer la transaction en échange d'une commission de 10 %. L'article date de dimanche, le 6 avril. S'il n'a présentement aucun projet, il a un regret, qui est de ne pas avoir enregistré plus de noms de domaines au début des années 90, alors que plusieurs des noms de domaines les plus prisés, les domaines aussi génériques que pizza.com, étaient toujours disponibles. Évidemment, c'était les débuts de la popularité d'Internet. Et puis finalement, un autre blog, site web québécois, passe à une version papier. Cette fois, c'est autour du site Entendu à Montréal, initié par Frédéric Rapaz, qui est l'un de mes sites préférés. Site reconnu pour ses perles langagières extraites de conversations de Montréalais, vient de se transformer en livre aux éditions Amérique Média. Comme le dit si bien l'auteur et carnetier Christian Mistral dans sa préface du livre, l'ouvrage fait place à des fleurs de langage et des bijoux de l'esprit humain en carnaval. L'article vient de Radio-Canada.ca, le carnet techno. Alors que le Québec et la Nouvelle-Écosse commencent tout juste à s'adapter à l'interdiction du cellulaire au volant, vous avez certainement suivi la nouvelle, voilà qu'un élu démocrate américain commence à faire du lobby pour ajouter un article au code de la route de l'État de l'Illinois pour interdire l'utilisation de téléphone cellulaire par un piéton lorsqu'il traverse une intersection. C'est le représentant de l'Illinois, Kenneth Duncan, qui travaillerait fort pour que ses commettants cessent leur conversation téléphonique lorsqu'ils mettent le pied dans une intersection. L'homme n'est pas seul à trouver l'idée intéressante, puisqu'il a reçu l'appui du secrétaire d'État de l'Illinois pour aller de l'avant avec son projet. Mais dans le cas de ce dernier, il n'y aurait offense que si le piéton traverse la rue, cellulaire à la main, pendant que le feu est rouge. Voilà, histoire à suivre. L'équipe de Yahoo Québec a fait parvenir au carnet techno de Radio-Canada le palmarès des recherches dans les domaines des gadgets, de la techno, des jeux et des logiciels pour la période du mois de mars. Donc, pour se donner un aperçu, voici le top gadget et techno. En cinquième, on retrouve iTouch, oui. En quatrième, Bose. En troisième, MP3 Player. En deuxième, Sony Store. Et en première place, c'est GPS. Top 10 des jeux vidéo et jeux en ligne. Monopoly Online, Hasbro, Xylem, Dragon Games, Chuzzle, Free Cell, Super Smash Bros., Spring Break, Hitman. Et le numéro 1, c'est Formula One. Et le top des logiciels téléchargeables. En cinquième, on retrouve Free Firefox. Drôle que les gens précisent Free parce que Firefox a toujours été gratuit. Primary Games est en quatrième. Node 32 en troisième. Norton Removal Tool en deuxième. Et PDF en première. Donc, on dirait que les gens veulent enlever Norton qui vient avec leur ordinateur ou quelque chose du genre, peut-être leur portable. Qu'en sais-je? Donc, c'est top selon Yahoo. Voilà. Ensuite, ça fait pas mal de tours. Oui, pour le bloc F5 informatique, on va parler tantôt de nouvelles du futur et on va faire aussi la chronique cybercrime. Mais commençons à l'instant même par le fil. Le bloc F5 technologique. Enfin, je parlais des nouvelles du futur. Ah, beaucoup plus excitant. Voici les nouvelles du futur. Oui, voilà, très, très, très important comme bloc. Commençons par Bill Gates, qui a affirmé dimanche, le 6 avril, que la nouvelle mouture du système d'exploitation Windows pourrait être disponible dès l'année prochaine, selon la BBC. Lors d'une conférence pour la Banque interaméricaine de développement, où Bill Gates devait surtout parler des projets de sa fondation caritative, un spectateur lui a demandé quand sortira le successeur de Windows Vista, pour le moment surnommé Windows 7. Et je cite, « Ce sera l'année prochaine », c'est ce qu'a répondu Bill Gates. Avant de passer à d'autres questions, le président de Microsoft a ajouté que les fonctions qui se retrouveront dans le nouveau système d'exploitation l'enthousiasme au plus haut point. Après la conférence, un porte-parole de Microsoft a cependant nuancé les propos de Bill Gates. Évidemment. Et je cite, « Il voulait parler d'une version de test et non de la version finale du nouveau Windows ». En juillet 2006, on rappelle que Steve Ballmer, le directeur général de Microsoft a promis aux actionnaires de l'entreprise américaine que le nouveau système d'exploitation sera lancé plus rapidement que Windows Vista, dont la sortie était survenue 5 ans après celle de son prédécesseur, Windows XP. D'après le webzine TG Daily, une version préliminaire de Windows 7 aurait été envoyée en janvier dernier à quelques partenaires de Microsoft afin qu'ils la commentent. Le webzine, qui s'appuie également sur une feuille de route envoyée par Microsoft à ses partenaires, affirme que le successeur de Windows Vista pourrait être disponible dans la deuxième moitié de 2009. Un organisme de recherche gouvernementale japonais estime que des robots pourraient accomplir d'ici 2025 des tâches incombant à quelque 3,5 millions de gens dans un Japon qui vieillit inexorablement, ce qui aiderait à pallier des pénuries de main-d'œuvre prévisibles alors que la population du pays diminue à vue d'œil, dit Kanoe.com d'après Reuters. Le Japon fait face à un recul projeté de 16 % de sa main-d'œuvre d'ici 2030 alors que la population du troisième âge augmentera de façon dramatique. Selon les estimations d'un gouvernement qui s'inquiète désormais de savoir qui accomplira le travail dans un pays qui n'a ni l'habitude ni l'intention de contempler la solution d'une immigration à grande échelle. Le taux de fertilité courant se chiffre à 1,3 bébés par femme, ce qui est bien en deçà du taux nécessaire au maintien de la population. Le Machine Industry Memorial Foundation estime que d'ici 2055, 40 % des Japonais seront âgés de plus de 65 ans, ce qui lui fait se demander qui pourra s'occuper de toute cette population grisonnante. L'organisme de recherche est d'avis que des appareils robotiques divers, des capsules microscopiques capables de détecter des lésions aux aspirateurs high-tech pourraient combler les carences du pays en main-d'œuvre. Dans son rapport, la Fondation écrit plutôt que de voir chaque robot remplacer une personne, les appareils cybernétiques pourraient permettre aux gens de se concentrer sur des choses plus importantes. Le Japon pourrait économiser 2,1 milliards de yens, c'est-à-dire 21 milliards de dollars en prestations... c'était 2,1 billions de yens, billions, en prestations d'assurance au troisième âge projetées en 2025 grâce à l'utilisation de robots pouvant faire le suivi de la santé des personnes âgées, ce qui éviterait le recours à des soins dispensés par des humains, ajoute la Fondation dans son rapport. Le personnel soignant pourrait économiser plus d'une heure par jour si des robots surveillaient des enfants et des personnes âgées. En plus d'accomplir des tâches à domicile, au nombre des tâches pouvant possiblement être assignées à des robots, la Fondation mentionne entre autres la lecture de livres à voix haute et l'aide aux ablutions des personnes âgées. La compagnie Walt Disney a fait savoir que tous ses dessins animés seront désormais offerts en format 3 dimensions, en commençant avec le film Up l'an prochain. Le directeur principal de la création, John Lasseter, a fait l'annonce à New York lors de la présentation par Disney des prochains films de ses studios Disney et Pixar. On retrouve notamment au menu Rapunzel, une nouvelle version du conte classique qui devrait arriver en salle pour Noël 2010, et King of the Elves, un film qui est attendu 2 ans plus tard. Disney a aussi présenté un extrait de 30 minutes de Wall-E qui sera lancé le 27 juin. Histoire d'amour entre le personnage titre, un robot seul sur Terre depuis 700 ans, et un autre robot baptisé Eve qui est envoyé à la recherche de vie. Donc voilà, dans le cadre d'une entente annoncée le mois dernier, 4 studios, Disney, 20th Century Fox, Paramount et Universal Pictures, se sont entendus pour financer la modernisation de 10 000 écrans au Canada et aux États-Unis afin d'accommoder le format 3D. Cette conversion pourrait prendre 3 ans et coûter jusqu'à 700 millions de dollars américains. Des données démontrent que l'expérience 3D peut attirer jusqu'à 2 ou 3 fois plus de spectateurs et que ceux-ci sont prêts à débourser jusqu'à 3 $ de plus pour leurs billets. Les propriétaires de salles et les studios espèrent ainsi attirer les foules en offrant une expérience que même le système de cinéma maison le plus sophistiqué est incapable d'égaler. Et finalement, les Japonais pourront peut-être bientôt accéder à un service de téléchargement aromatique via leur téléphone mobile. NTT Communications, division solutions Internet de l'opérateur Nippon Telegraph and Telephone, va tester auprès d'une vingtaine d'utilisateurs un pot d'arôme à connexion infrarouge qui réagit en fonction de la fragrance commandée via leur portable. Chaque pot contient 16 essences différentes allant de la camomille à la menthe fraîche. Après la musique et la vidéo, le service Internet e-mode de NTT Docomo permettra également de combiner ces 16 essences à 200 fragrances différentes selon que l'utilisateur souhaite une atmosphère plus propice à la concentration ou au sommeil profond. La phase de test durera du 10 au 20 avril et si la demande est forte, il pourrait proposer le service d'ici le mois de mars de l'année prochaine. NTT Communications prévoit également lancer des tests pour un autre service qui permettrait aux utilisateurs de s'envoyer des fichiers avec des senteurs en pièces jointes. N'est-ce pas incroyable? Voilà pour le bloc de nouvelles du futur! Ici à la connexion, l'émission qui parle de technologie, d'informatique et de jeux vidéo. CIFU 89.1 FM, partout en Mauricie et partout dans le monde sur le CIFU.ca. Maintenant, ben voici une chronique, un bloc que j'aime particulièrement. Voici Cybercrime. Les nouvelles de tout ce qui est croche, de tout ce qui est vraiment pas correct en matière de technologie. On commence ça avec le secrétaire à la sécurité intérieure des États-Unis qui estime que les cyberattaques majeures menées sur le web peuvent avoir un impact tout aussi nuisible pour l'économie américaine que celui des attentats terroristes du 11 septembre 2001. Lors d'une conférence qui se déroulait mardi à San Francisco, là on parle de mardi le 8 avril, Michael Chertoff a évoqué les tristement célèbres attentats du 11 septembre pour inviter les professionnels du domaine des technologies de l'information à travailler davantage afin de rendre Internet plus sécuritaire. Selon Michael Chertoff, des cyberattaques d'envergure pourraient être dommageables en visant, par exemple, les sites Internet des principales institutions financières ou ceux du gouvernement. Et je cite, « Nous prenons les menaces de cyberattaques tout aussi sérieusement que si ces menaces s'adressaient à des institutions dans le monde réel. » Le secrétaire à la sécurité intérieure a ajouté que le gouvernement américain ne pouvait cependant pas s'assurer seul de la protection d'Internet. Afin de convaincre les professionnels du secteur des technologies d'information à collaborer avec le gouvernement, Michael Chertoff a souligné que c'était la meilleure chose que vous pouvez faire pour votre pays. En entrevue avec la BBC, Michael Chertoff a ensuite expliqué sans gêne qu'il a comparé le potentiel destructeur des cyberattaques à celui des attentats du 11 septembre pour soulever le patriotisme des personnes présentes lors de la conférence. Et je cite, nous ne disposons pas des moyens financiers du secteur privé, mais je sais que ces individus sont tout aussi motivés par le désir de faire avancer la cause de notre pays. Voilà, c'est un article de la BBC via branchezvous.com. Les abonnés du service Internet de Bell auraient véhiculé le plus de virus, pourriels et autres logiciels malveillants que les autres internautes canadiens durant la dernière moitié de 2007. Consciemment ou non, les abonnés de Sympatico sont responsables d'avoir véhiculé 17% de toutes les activités malveillantes qui sont survenues au Canada. C'est ce que souligne la firme de sécurité informatique dans la nouvelle édition de son rapport sur les nouvelles tendances des pirates informatiques qu'elle publie deux fois par année. Les autres fournisseurs d'accès Internet canadiens mentionnés dans l'étude de Symantec sont Saskatel, Primus, Pier One, Rogers et iWeb Technologies. Étant le service Internet le plus utilisé des Canadiens, la première position de Bell parmi les principaux véhicules de logiciels malveillants au Canada n'a rien de surprenant, souligne Symantec dans son rapport. En entrevue avec la presse canadienne, l'expert de Symantec qui rédige ce rapport a expliqué que les fournisseurs d'accès Internet ne peuvent pas faire grand-chose pour empêcher leurs abonnés de visiter des sites Internet douteux. Mentionnons par ailleurs que Symantec a recensé 711 912 nouvelles menaces informatiques durant la deuxième moitié de 2007, une nette augmentation par rapport aux menaces recensées à la fin de 2006. Le Canada arrive au 9e rang mondial pour avoir véhiculé ces menaces informatiques, loin derrière les États-Unis, qui arrivent en première position, selon la firme de sécurité informatique. Si vous voulez lire un autre article portant sur les nouvelles tendances des pirates informatiques, allez lire « Symantec, Bell aurait véhiculé le plus de virus ». C'est un article que j'ai posté dans la section F5 informatique du www.unechance.com qui est le site de l'émission www.unechance.com. Les fournisseurs d'accès Internet n'ont pas à couper la connexion à leurs abonnés qui téléchargent ou téléversent illégalement de la musique, des films ou des logiciels, c'est ce qu'a déclaré le propriétaire de l'un des principaux fournisseurs d'accès Internet du Royaume-Uni. Charles Dunstan, qui dirige TokTok, a déclaré à la BBC que les fournisseurs d'accès Internet n'ont pas à jouer le rôle de policiers afin de déterminer quels internautes sont coupables de téléchargement illégal. Le président de TokTok a répondu ainsi face à la pression montante des lobbies de l'industrie du divertissement pour que les fournisseurs d'accès Internet prennent part plus activement au combat contre le piratage. Jeff Taylor, président de la British Photographic Industry, a déclaré que la situation des artistes et des autres artisans du divertissement ne pourra pas progresser tant que les fournisseurs d'accès refusent de contribuer d'une façon comme d'une autre à la lutte au piratage. Si vous voulez lire d'autres articles, c'est sur lechance.com dans le bloc F5 informatique. C'est le bloc cybercrime en ce moment. Voilà. Un couple de Pennsylvanie, les Boring, poursuit Google, qui, selon lui, viole son droit à la vie privée en diffusant des photos de sa résidence via la fonctionnalité Street View de Google Maps. Selon la poursuite, Google aurait obtenu des photographies de leur propriété sans autorisation puisque leur entrée est marquée d'une inscription qui dit « propriété privée ». Les Boring considèrent le geste de Google comme une violation de leur droit à la quiétude et à la vie privée. Et je cite « Le dévoilement public des photographies a causé aux demandeurs une perte de jouissance et a diminué la valeur de leur propriété ». Afin de les dédommager pour leur perte de jouissance et de vie privée, les Boring réclament la somme de 25 000 $ et la suppression de toutes les photos de leur propriété, ainsi que toutes les images captées ayant servi à diffuser ces dernières. Il demande aussi l'implantation de mécanismes visant à protéger la vie privée au sein de Google Street View. Incroyable. Et voilà, ça fait le tour pour le bloc cybercrime. Oui, le bloc cybercrime. Voici, parlant de choses qui sont pas correctes, le top des jeux les plus trichés sur GameFAQs.com. En cinquième, on retrouve Final Fantasy XII sur la PS2. En quatrième, c'est Pokémon Diamond DS. En troisième, COD 4 Modern Warfare sur la 360. En deuxième, Crisis Core sur la PSP. Et en première place des jeux les plus trichés, c'est Super Smash Bros. Brawl sur la Nintendo Wii. Voici les gigolos avec la guerre des mondes. Et dans la dernière demi-heure de l'émission, les dernières 15 minutes environ, on va parler entre autres de gadgets. On va faire un tour du net, tout ça, et la chronique bientôt sur vos écrans à la collection. On parle technologie informatique et jeux vidéo dans vos oreilles. Gigolo avec la guerre des mondes. Maintenant, c'est l'heure du quiz musical de la semaine. Et là, je suis allé dans l'extrêmement obscur cette semaine. La semaine passée, c'était trop facile. Voici aucun indice d'ailleurs pour ce quiz musical. Nommez le jeu qui suit derrière moi. La réponse dans à peine 2 minutes. À la connexion au 89 FM. Je vous ai demandé de nommer le jeu qui joue derrière moi en ce moment. Encore quelques petites secondes pour y penser. Ok, c'est pas si obscur que ça. Ça vient d'une série très populaire, mais ça fait longtemps. Et c'est sur une console portable. C'est Final Fantasy Adventure sur Game Boy. Et oui, vous voyez, c'est pour ça que je fais pas souvent de quiz musical avec des jeux de Game Boy. C'est que, je sais pas, c'est pas aussi répandu, peut-être. En tout cas, je sais pas. Peut-être que je m'invente des affaires dans ma tête, mais bon. Donc voilà, Final Fantasy Adventure. Il nous reste à peine 15 minutes ici à la collection. On va parler des nouveautés bientôt en magasin et aussi de gadgets et la chronique autour du net. On va faire ça dans un gros bloc d'informations. Mais avant, voici quelque chose d'intéressant. C'est vous, les chaînes de lettres et vous. Hein? Pourquoi pas? Donc j'ai reçu de la part de mes amis un message qui lui a reçu du spam. Vous savez, dans vos courriels, vous savez des conneries. Bon, celui-là vient de Kiki Tano Seke à redtram.com. Le sujet est « Occupez-vous bien d'elle ». Voici le message. Et je cite « Bonjour! Suite à une enquête, il est apparu que la taille de l'engin d'un homme est importante. Il est maintenant possible de l'avoir plus grande et grosse très rapidement. Adresse upsizesmanhood.com. Pour cette nouvelle année, prenez la résolution de l'avoir plus grosse. » Et c'est signé Samantha. Je pense que c'est pas mal tout ce qu'il y a à dire là-dessus. Vous écoutez La Connexion à CFOU 89 FM maintenant. Voici ce qui s'en vient bientôt sur vos écrans. Il y a beaucoup de choses qui s'en viennent sur vos écrans. On commence par les nouveautés en magasin cette semaine même. C'est la semaine du PC. On commence avant ça par les multiplateformes. Donc sur PS2 et sur Nintendo Wii, on retrouve Baroque. Sur DS, il y a les jeux Plushies. Oui, c'est un vrai jeu. Et Fab 5 Soccer. Sur PC ensuite, on retrouve Civil War Mysteries de Activision, Assassin's Creed de Ubisoft, Team Fortress 2 de Electronic Arts, Overclocked, The History of Violence de Lighthouse Interactive, Nancy Drew Double Dare 5 de Take-Two Interactive, Portal de Electronic Arts, Half-Life 2 Episode Pack de Electronic Arts et Imagine Animal Doctor de Ubisoft. Sur PlayStation 2, deux jeux, Fatal Fury Battle Archives Volume 2 de SNK Claymore et Arcana Heart de Atlus. Sur PSP, World Championship Cards de Crave et sur Nintendo Wii, Summer Sports Paradise Island de Destineer et Minicopter Adventure Flight de Axis Games. Il y a quelques jours de ça, Nintendo a dévoilé l'identité des deux jeux ajoutés cette semaine à sa console virtuelle, la Virtual Console. D'abord, la compagnie tente de faire revivre Yoshi's Cookie de la NES. Hein? Ça, c'est vraiment un très très bon jeu, un des premiers titres mettant en vedette le dinosaure vert. Il s'agit d'un jeu de casse-tête qui inclut une centaine de tableaux et qui permet de manipuler des biscuits pour les aligner ensemble. C'est un puzzle. Puis pour célébrer le début de la saison de baseball, le premier Bases Loaded sur la NES est maintenant disponible. Davantage un jeu d'arcade qu'une simulation, le jeu présente 12 équipes et une trentaine de joueurs. Maintenant, dans les jeux dans le futur un petit peu plus éloigné, le studio Gas Powered Games a annoncé que ce sera Starduck qui se chargera de la mise en marché du jeu de stratégie en temps réel Demigod. Malheureusement, ce dernier a été retardé de plusieurs mois et ne verra pas le jour avant février 2009. Un bêta public du jeu devrait par ailleurs voir le jour cet été. C'est inspiré du mode Defense of the Ancients de Warcraft 3. Demigod vous permettra de contrôler l'un des nombreux héros demi-dieux proposés. Donc, selon Gas Powered Games, la portion solo servira d'entraînement pour la portion multijoueur. Voilà. Dévoilé au sein du magazine Nintendo Power il y a très peu de temps, Atlus USA a officiellement annoncé le développement du second jeu de la série Trauma Center Under the Knife pour la console Nintendo DS. C'est la suite de Under the Knife. Trauma Center Under the Knife 2 vous permettra de vivre les événements prenant place suite à l'éradication du virus mortel Guilt. Vous devrez de nouveau compléter différentes chirurgies à l'aide de nouveaux outils ainsi que des directives plus faciles à suivre et à interpréter. Ça va être lancé le 1er juillet prochain. Microsoft a annoncé que le jeu de tir Ikaruga paraîtra finalement ce mercredi sur Xbox Live Arcade, donc c'est hier. Ikaruga qui vous permet d'affronter des hordes d'ennemis en vaisseau spatial et de changer la couleur de votre vaisseau du blanc au noir, ce qui vous donnera l'occasion d'absorber les particules de ces couleurs laissées par vos adversaires. À noter que la version Xbox Live Arcade offrira un mode coopératif en ligne, des tableaux des meilleurs joueurs et la possibilité d'échanger des vidéos de vos plus grands exploits avec d'autres joueurs. Dreamcatcher Games a annoncé qu'elle lancera une compilation des aventures de Sam et Max sur la Wii avec Sam & Max Season 1. Cette dernière sera également mise en marché en Europe par Joe Wood. Développé par Telltale Games, Sam & Max Volume 1, Season 1, pardon, réunira les 6 premiers épisodes de la série Sam & Max lancée en ligne. Pardon, je m'excuse, j'avais pas de reniflé. Ainsi qu'un ensemble chez les détaillants sur PC. Vous y retrouverez tout leur humour ainsi que des contrôles très intuitifs adaptés à la Wii. Voilà. Après un passage plus ou moins fluctué vers le 3D, Sonic retournera vers ses origines 2D avec Sonic Unleashed, présentement en développement pour Xbox 360, PlayStation 3, Wii et PlayStation 2. Ça va rouler sur un nouvel engin propriétaire de Sega qui va mélanger les éléments 3D avec des transitions de caméra en 2D. Chacun des niveaux du jeu, à l'image des premiers titres ayant mis en vedette Sonic, sera rempli d'action et de vitesse, à travers desquels vous pourrez exploiter les nouvelles habiletés de Sonic. En effet, non seulement pourrez-vous courir à toute vitesse, mais vous aurez aussi l'occasion de jouer d'une façon encore jamais vue dans la franchise de Sonic the Hedgehog lorsque vous jouerez avec des niveaux nocturnes. Le tout sera accompagné par la possibilité de vous battre avec vos adversaires. Ça va être lancé d'ici la fin de l'année de Sonic Unleashed. Sans trop faire de bruit, le 3 avril dernier, Eidos Montréal a mis à jour son site officiel pour confirmer le développement d'un deuxième projet dans ses studios. On rappelle que 12X3 a déjà été annoncé. Eidos Montréal recrute donc des créateurs talentueux pour produire ce jeu mystérieux. Le studio a seulement laissé glisser que le titre du jeu commence par la lettre T. Donc, sachant que Eidos n'a pas utilisé la franchise Thief depuis plusieurs années, cette possibilité semble la plus probable, selon JXP.ca. Tomb Raider est aussi plausible, mais aux dernières nouvelles, c'est Crystal Dynamics qui a le contrôle de cette franchise. Ça va être à suivre. THQ a annoncé officiellement le développement de Warhammer 40,000 Dawn of War 2. C'est sans surprise Relic Entertainment qui s'occupe de mener à terme le projet exclusivement sur PC. Son lancement n'est pas prévu avant le printemps de 2009. Ceux qui ont acheté Warhammer 40,000 Dawn of War Soulstorm recevront automatiquement une invitation pour participer au bêta multijoueur qui se tiendra dans le futur. Site officiel, c'est le dawnofwar2.com. Taito, qui est maintenant une division de Square Enix, a confirmé son intention de faire revivre deux classiques. D'abord, pour célébrer les 30 ans de Space Invaders, la compagnie lancera Space Invaders Extreme sur la PSP et Nintendo DS. Les deux versions seront offertes le 17 juin. Cette nouvelle mouture offrira des graphiques améliorés, une nouvelle trame sonore, plusieurs mini-jeux et un volet multijoueur permettant d'affronter un ami. L'autre série qui prend un retour, c'est Arkanoid. La nouvelle itération sera simplement baptisée Arkanoid DS et sera offerte exclusivement sur la console Nintendo DS. Trois modes différents assureront une certaine diversité. Un volet multijoueur supportera entre 2 et 4 personnes afin de déterminer qui est le meilleur joueur de Arkanoid. Ça va être le 17 juin. Les deux seront à 20$. Et là, j'ai lu d'autres articles sur des sites anglophones qui disaient qu'au Japon, il y avait un petit périphérique qu'on peut brancher dans le port Game Boy de la Nintendo DS avec un paddle. Donc, vous pouvez, disons, l'Arkanoid, contrôler votre bar avec ce genre de petit système-là avec votre pouce. Là. Vraiment cool. Enfin bon, donc, à ce qui paraît que ça ne sera pas disponible en Amérique. Mais bon, c'est cool. La semaine passée, on parlait de Mario Kart Wii. On disait que les contrôles au pad classique et au pad GameCube ne permettraient pas de réaliser toutes les actions possibles avec le Wii Wheel et le combo Wiimote Nunchuck. Ça, c'est la manette normale de la Wii avec les actions détectées par la console. Et puis la manette de GameCube qui peut être branchée dans la Wii. Donc, on avait dit que les actions seraient bridées. Donc, il y aurait certaines choses qu'on pourrait pas faire avec ces manettes. En fin de compte, c'est faux. Nintendo a démenti cette rumeur en indiquant que la totalité des mouvements pourront être effectués avec toutes les manettes. Une bonne nouvelle pour ceux qui joueront pas avec le volant ni avec la Wiimote. Il y a des gens qui n'aiment pas tellement ça. Logiciels les plus lourds, les plus téléchargés sur download.com. Maintenant, troisième position, on retrouve LimeWire. En deuxième, c'est AdAware 2007. Et en première, c'est AVG Antivirus Free Edition. Donc, on voit que sur download.com, c'est les logiciels de sécurité, d'antivirus, d'anti-espionnage qui sont les plus populaires. Voilà donc pour ce bloc. Il nous reste à faire. On va faire tout de suite pour les éliminer ici de mon écran. Les jeux et les consoles les plus vendus au Japon la semaine dernière, c'est selon Media Create. Commençons par les consoles. En troisième, c'est la Nintendo Wii. En deuxième, la Nintendo DS. Et en première place, c'est la PSP avec presque 130 000 ventes. La Nintendo DS et la PSP qui n'arrêtent pas de s'alterner de semaine en semaine, il me semble bien. 24 au 30 mars, les jeux les plus achetés au Japon. Mobile Suit Gundam OO sur la DS est en troisième. Pokémon Ranger 2 sur la DS en deuxième. Et Monster Hunter Portable Second G sur la PSP est en première place. Ça, c'est au Japon, évidemment. Ensuite, sur le site de la connexion, au www.unechance.com, j'ai posté quelques jeux vraiment géniaux. Il y a Magic Pen, qui est un genre de crayon physics. Si vous n'avez pas encore vu crayon physics, il faut vraiment aller voir ça. Vous pouvez dessiner des choses à l'écran et puis ça se déroule comme si c'était dans de vrais objets, dans le fond. Donc, si vous dessinez, par exemple, je sais pas, un rond tout seul, ben il va tomber dans le vide. Alors que si vous mettez, il y a des lignes que vous pouvez fixer à la table en arrière, si on veut, à la feuille, ça va faire des réactions physiques. Donc, disons que vous faites une tour avec des carrés et des ronds, ben, tout ça va s'écrouler de façon réaliste, en tout cas. C'est vraiment cool. Donc ça, c'est Crayon Physics, c'est ce que je disais. Mais celui dont je parle est Magic Pen. Donc allez voir ça. Il y a aussi Fruit Mystery, qui est un jeu assez spécial. assez capotant. Disons que ça donne mal à la tête un petit peu de voir ça avec la musique, avec les dessins bizarres. Allez voir Fruit Mystery. Il y a aussi Quest for the Crown, qui est un jeu très très compliqué. En fait, c'est un seul tableau, vraiment laid, vraiment ironique même dans ses descriptions et dans son manuel d'instruction sur le site. Et vous devez vous rendre à la couronne. C'est tout simple que ça, mais essayez de trouver comment vous rendre plus qu'une fois. Vous rendez une fois, il y a un générique qui joue. La deuxième fois, ça a l'air encore plus difficile. Un autre générique super long. Troisième fois, quatrième fois, jusqu'à temps que vous vous taniez et que ce soit plus faisable. L'opposé de ça, c'est « You have to burn the rope ». Vous devez brûler la corde. C'est le titre du jeu. Et c'est littéralement offert à ceux qui trouvent que les jeux sur Internet sont de plus en plus difficiles. Donc, « You have to burn the rope ». Je vous dirai pas comment battre le monstre de la fin, mais disons que, tu sais, hein, faut brûler la corde. C'est le nom du jeu. Allez voir ça. Il y a aussi Super Mario Bros. Fait dans un JavaScript à 14K. Donc, le gars a vraiment refait Mario, le premier tableau de Mario 1 presque au complet dans un petit fichier JavaScript. Donc, au lieu d'être du Flash, n'importe quoi, c'est directement dans votre furteur Internet. Allez voir ça. Je vous le conseille vraiment beaucoup. Et puis, j'ai passé d'autres jeux aussi que j'ai affectionné particulièrement cette semaine dans la section Jeux pour le bureau sur unechance.com. On n'aura pas le temps de faire des gadgets autres que les survols rapides. Des Kleenex, des mouchoirs noirs, hein, pour que vous soyez à la mode quand vous vous mouchez. Moi, j'en aurais besoin en ce moment même. Là, il y a aussi des écrans de Samsung. Au lieu d'avoir deux écrans l'un à côté de l'autre, très très grandes, c'est un gros écran et avec qui vient avec un autre petit écran pour par exemple mettre, je sais pas, vos courriels ou disons votre MSN sur un petit écran sur le côté. Donc c'est vraiment très très pratique, c'est de Samsung. Et le Mobi Blue Cube 3, qui est un lecteur MP3 cube tout petit, minuscule, de la grosseur de, je sais pas, la moitié de votre pouce, genre, je sais pas. C'est tout petit, tout petit. Et ça a l'air vraiment cool. 100$, quelque chose de genre. Ça sort le 1er mai, en fin de compte. J'attendais que ça sorte, et le voilà. Donc, c'est pour ça que je vous en parle. Ensuite, on continue rapidement avec un petit tour, tout petit tour du net, comme on aime le faire. On commence par Improv Everywhere. Vous connaissez Improv Everywhere? C'est eux qui ont fait le freeze là, dans le métro, la station de train, peu importe où, qui a été copié des millions de fois au Québec, là, comme c'était original maintenant. Improv Everywhere, ben, ils ont fait une nouvelle vidéo qui s'appelle Best Game Ever. Ils sont allés une partie de baseball vraiment pas importante, là, de Little League Baseball à Hermosa Beach, en Californie. Ils ont amené un paquet de grands fans. De faux fans, dans le fond, pour les encourager. C'est ça qu'ils font, eux autres. Ils essaient de changer les choses, les révolutionnaires, leurs idées. Et après ça, ben, tout le monde les copie. Donc, allez voir la vidéo de la préparation de cet événement de Improv Everywhere. Et allez voir le improveverywhere.com pour toutes leurs vidéos. C'est très, très intriguant de voir ça. Je vais sauter par-dessus quelques affaires. Il y a une vidéo de South Park qui s'attaque à tous les mémés sur Internet. Vous connaissez les mémés, on en parle assez souvent. C'est, disons, des vidéos, des choses populaires sur Internet qui se propagent. Ça devient populaire, c'est comme un genre d'infection virale. Des fois, on appelle ça des vidéos viraux. Donc ici, c'est dans South Park qui s'attaque à ça. Il y a par exemple Tézondé, celui qui chantait Chocolate Rain. Il y a un paquet d'autres comme ça, c'est vraiment cool. Allez voir ça, c'est sur South Park Studios. Un vieux catalogue de 1981 de Atari que j'ai trouvé sur le site de Wogizmo.com. Beau à voir, regardez les prix, regardez tout ça, c'est génial. Quelqu'un qui a fait pour le site Word1000.com, qui est un site de manipulation de photos, de quoi aurait l'air Futurama, c'était la réalité. Et il y a même des photos de avant et après, comment il a modifié des photos pour faire ce poster-là de Futurama dans la réalité. C'est vraiment cool. Simon's Cat, qui est mon nouveau dessin animé préféré, je crois, sur Internet, sur YouTube, il y en a des tonnes. Simon's Cat, c'est l'histoire d'un petit chat et de Simon, son propriétaire, mais surtout le chat, qui fait des conneries vraiment drôles en beaux petits dessins. Très, très le fun sur YouTube. Très beau. Ensuite, des beaux codes-barres au Japon. Ils ont une folie, là. Je sais pas, ils font ça depuis longtemps, apparemment, mais c'est des codes-barres vraiment très, très jolis. Puis on va avancer ça un petit peu. C'est presque la fin de la connexion. Paint Rollered, la toune de Rick Astley, là, vous savez, le Rick Roll là, sur Internet. Des fois, vous faites avoir, vous allez sur une vidéo et puis par erreur, par blague, c'est une vidéo de Rick Astley. Comment elle s'appelle, la pièce? En tout cas, je crois que... je peux pas faire jouer l'extrait, mais en tout cas, c'est très, très drôle. Never Gonna Give You Up, vous connaissez la pièce. C'est à peu près ça. Voilà, c'est tout pour la connexion cette semaine. Merci d'avoir été là. J'adore passer du temps avec vous, mais on n'a jamais assez de temps. Poste d'écoute, les palmarès, c'est fou. Écoutez-moi, je suis là partout, c'est fou. Ça va être l'enfer cet été, vous allez voir. La connexion, à la semaine prochaine. Bye bye. Bye bye, bonne chance. Bye. Bye. Bye bye.